Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle leçon d'un niveau avancé. Moi c'est Christella. Bonjour chers amis de la langue française, je m'appelle Amaury. Comment vas-tu Christella aujourd'hui ? Je vais très bien et toi Amaury ? Très bien également. Alors aujourd'hui, on a un thème tout spécial pour tous ceux qui sont amoureux de la langue française, puisque cette leçon porte sur l'Académie française. Cette académie a une influence sur tous les francophones, donc c'est un thème qui devrait nous toucher tous, puisqu'elle régit en fait notre belle langue, le français. Cette institution a pour but de protéger la langue française en quelque sorte. C'est ça, ouais. De suivre son évolution et de discuter des différentes modifications et des différents apports à la langue française, des mots nouveaux, des expressions nouvelles. Cette leçon est un peu différente parce qu'elle se présente sous la forme d'un examen. Donc on va rejoindre notre étudiant, Monsieur Petitgrain, en plein examen oral, qui va devoir répondre à des questions. Donc on va écouter le dialogue tout de suite. C'est parti! Le thème de votre examen, Monsieur Petitgrain, est l'Académie française. Mais comment en parler sans évoquer en premier lieu la raison de son existence, la langue française ? Alors je vous demande, monsieur, quelle est l'origine de notre belle langue ? Le français est une langue romane. Sa grammaire et la plus grande partie de son vocabulaire sont issues des formes orales et populaires du latin, telles que l'usage les a transformées depuis l'époque de la Gaule romaine. Très bien. À présent, j'aimerais que vous disiez un mot concernant la création de l'Académie française. Elle fut fondée en 1635 par le cardinal de Richelieu, sous le règne de Louis XIII. La mission qui fut assignée aux lettrés qu'il a composée à ses débuts était de donner des règles à la langue française, de la rendre pure et compréhensible par tous. Dans cet esprit, la première édition d'un dictionnaire fut publiée en 1694. Pas mal. Je vois que vous avez potassé. Vous faites mention du terme lettré ? Oui, l'Académie française se compose de 40 membres, 40 lettrés, élus par leur pair. Je me permets de préciser que depuis sa fondation, elle a reçu en son sein plus de 700 membres. Elle rassemble des hommes de lettres, des hommes de science, des militaires, des hommes d'État ou encore des hommes d'Église, qui ont tous illustré particulièrement la langue française. Les académiciens portent le surnom d'immortels. Et quel est leur rôle de nos jours ? Il est double, veiller sur la langue française et accomplir des actes de mécénat. Pour mener à bien la première mission, un dictionnaire continue d'être élaboré afin de fixer l'usage de la langue. La seconde mission, le mécénat, n'était pas prévue à l'origine. Elle a été rendue possible par les dons et legs qui ont été faits à l'Académie. Ainsi, elle décerne chaque année environ 60 prix littéraires et attribue des subventions à des sociétés littéraires ou savantes, à des œuvres de bienfaisance et aux personnes défavorisées ou qui se sont distinguées par l'accomplissement d'actes de dévouement. Excellent jeune homme. Continuez comme ça et vous y entrerez peut-être un jour. Il connaissait pas mal sa leçon, Monsieur Petitgrain. Oui, il avait l'air de bien avoir révisé. Ouais. Alors tout d'abord, en premier lieu, il parle de l'origine de la langue française. Et en fait, le français est une langue romane, donc une langue qui vient du latin populaire. Oui, tout comme l'espagnol ou l'italien, le portugais, même le roumain, je crois aussi. Et en fait, la langue française a suivi de nombreuses transformations depuis l'époque de la Gaule romaine. Alors la Gaule, c'est en quelque sorte le nom ancien de la France. Une grande partie du territoire de la France actuelle appartenait à l'Empire romain, et c'est ce territoire qui s'appelait la Gaule romaine. Ouais. C'est l'ancêtre de la France. Et donc, il y a un personnage qui est connu par rapport à ça. Astérix. Exactement. Astérix, le Gaulois. Donc, dans la suite du dialogue, à un moment, le professeur demande à son étudiant de dire un mot concernant la création de l'Académie française. Et il dit « J'aimerais que vous disiez un mot ». Et on a notre meilleur ami, le subjonctif, qui apparaît. Après « J'aimerais que ». Il faut mettre un subjonctif. Par exemple, Amaury, j'aimerais que tu fasses le ménage. Encore ? Ah bah oui, hein. Moi, je suis plus sympa. Christella, j'aimerais que tu viennes au cinéma avec moi ce week-end. Oui, mais s'il te plaît, Amaury, cette fois, j'aimerais bien que tu ne choisisses pas un film d'horreur comme d'habitude. Non, c'est bon, on va aller voir une comédie romantique. Ah ! Donc, on va revenir à l'Académie française qui était composée de lettrés. Oui. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un lettré ? C'est une personne qui est cultivée, érudite. C'est un homme ou une femme de lettres dont les connaissances sont immenses. Et donc, évidemment, qui est très respecté, qui a fait beaucoup de recherches. Ouais. Et donc, comme tu l'expliques, ici, dans l'Académie française, ils n'ont pas pris simplement des hommes de lettres. On y retrouve des hommes de science, des hommes politiques, des hommes religieux. qui ont tous le même but en fait, la défense de la langue française. Et on voit que notre étudiant a vraiment bien travaillé, il a bien potassé, il a étudié avec acharnement. Et il sait donc que l'Académie française se compose de 40 membres qui sont élus par leur pairs, c'est-à-dire les membres de l'Académie française sont élus par des membres de l'Académie française. Ce sont eux qui organisent une élection quand un nouveau candidat est à choisir. Le mot pair ici signifie tout simplement des gens qui ont le même statut. Donc comme tu l'as dit, en fait, cette Académie française comprend, se compose de 40 membres, mais on voit aussi que depuis sa création, elle a reçu en son sein plus de 700 membres. Oui, alors en son sein, c'est-à-dire au sein de l'Académie française, oui. Cette expression est ici utilisée pour dire qu'il y a eu 700 membres qui ont fait partie de l'Académie française en fait. On utilise l'expression « au sein d'eux » en général pour parler d'une organisation par exemple et pour dire que quelqu'un fait partie de cette organisation. Au sein du gouvernement, au sein de l'ONU, on peut aussi dire il y a différents départements au sein de cette entreprise, le département des ressources humaines, le département marketing. Donc cette entreprise comprend, se compose de plusieurs départements. Les membres de l'Académie française qu'on appelle académiciens sont également appelés immortels. Ce qui est un peu bizarre, mais on vous en dit pas plus juste maintenant, on vous expliquera ça à la fin du podcast. Maintenant, on va essayer de voir quel est leur rôle en fait. Alors le rôle est de veiller sur la langue française, c'est-à-dire de surveiller attentivement la langue française et ses évolutions. Y faire attention, en prendre soin en quelque sorte. Parce qu'on veille pas toujours sur quelque chose, on peut veiller sur quelqu'un. Aussi. Par exemple, quand j'étais petite, je devais veiller sur ma petite sœur, la protéger, faire en sorte qu'il ne lui arrive rien de mal. D'accord. Donc ils ont deux rôles, tu as cité le premier, et le second c'est un rôle de mécénat. Alors le mot mécénat... Il a une petite histoire. Il a une petite histoire que j'aime beaucoup. Il vient du nom Gaius Mécénas, qui était le nom du conseiller d'Auguste et qui avait pour rôle à l'époque d'être protecteur des belles lettres, de la littérature. Et la définition s'est élargie en fait au fil des siècles, au fil du temps. Et aujourd'hui, elle désigne la protection et l'encouragement de différentes causes en les subventionnant. Ça peut être des causes humanitaires, ça peut être aussi pour aider une entreprise. Bien sûr. Pour aider un mouvement, pour aider la culture. Et donc c'est exactement ce que l'Académie française fait. Ainsi, elle attribue des subventions à des sociétés littéraires, des subventions, c'est-à-dire des aides financières, oui, à des œuvres de bienfaisance ou à des personnes qui ont fait preuve d'un dévouement exceptionnel. Ben voilà, qui se sont sacrifiés pour les autres, ou pour leur cause, justement. Bien, et alors ça, par exemple, ce deuxième rôle, il n'était pas prévu à l'origine, il a été rendu possible par des dons et des legs qui ont été faits à l'Académie. Donc, des dons, elle aussi, l'Académie a reçu des sommes d'argent de la part de bienfaiteurs. De bienfaiteurs, tout à fait. Et des legs aussi. Et en fait, un leg, c'est un peu un synonyme d'un don, à part que c'est un don qui a été fait lors d'un testament. Il y a vraiment énormément de choses ici à voir dans cette leçon. Donc je vous propose de la réécouter et on reviendra ensuite afin d'approfondir le sujet de l'Académie française. Le thème de votre examen, monsieur Petitgrain, est l'Académie française. Mais comment en parler sans évoquer en premier lieu la raison de son existence, la langue française? Alors je vous demande, monsieur, quelle est l'origine de notre belle langue? Le français est une langue romane. Sa grammaire et la plus grande partie de son vocabulaire sont issues des formes orales et populaires du latin, telles que l'usage les a transformées depuis l'époque de la Gaule romaine. Très bien. À présent, j'aimerais que vous disiez un mot concernant la création de l'Académie française. Elle fut fondée en 1635 par le cardinal de Richelieu, sous le règne de Louis XIII. La mission qui fut assignée aux lettrés qu'il a composée à ses débuts était de donner des règles à la langue française, de la rendre pure et compréhensible par tous. Dans cet esprit, la première édition d'un dictionnaire fut publiée en 1694. Pas mal, je vois que vous avez potassé. Vous faites mention du terme « lettré » ? Oui. L'Académie française se compose de 40 membres, 40 lettrés, élus par leur pair. Je me permets de préciser que depuis sa fondation, elle a reçu en son sein plus de 700 membres. Elle rassemble des hommes de lettres, des hommes de sciences, des militaires, des hommes d'État ou encore des hommes d'église, qui ont tous illustré particulièrement la langue française. Les académiciens portent le surnom d'immortels. Et quel est leur rôle de nos jours? Il est double. Veiller sur la langue française et accomplir des actes de mécénat. Pour mener à bien la première mission, un dictionnaire continue d'être élaboré afin de fixer l'usage de la langue. La seconde mission, le mécénat, n'était pas prévue à l'origine. Elle a été rendue possible par les dons et legs qui ont été faits à l'Académie. Ainsi, elle décerne chaque année environ 60 prix littéraires et attribue des subventions à des sociétés littéraires ou savantes, à des œuvres de bienfaisance et aux personnes défavorisées ou qui se sont distinguées par l'accomplissement d'actes de dévouement. Excellent jeune homme. Continuez comme ça et vous y entrerez peut-être un jour. Donc on espère que vous avez appris vraiment beaucoup de choses dans la leçon d'aujourd'hui, mais il y a des choses dont on n'a pas encore parlé. Par exemple, où siège l'Académie française, Amaury ? Eh bien, elle se trouve en plein centre de Paris, dans un monument qui s'appelle l'Institut de France. C'est un magnifique monument de la fin du XVIIIe siècle, qui est au bord de la Seine, dans le 6e arrondissement. Waouh, c'est bon à savoir, pour tous ceux qui veulent y faire un tour, si jamais vous avez l'occasion d'aller à Paris. Je vous conseille parce qu'en plus, c'est juste au bord de la Seine, il y a le Pont des Arts, qui est un joli pont en face. C'est un très beau coin de Paris. Également, dans le dialogue, notre cher élève, Monsieur Petitgrain, évoque les différentes actions de l'Académie française, mais il ne va pas exactement en profondeur, donc c'est ce qu'on va faire nous maintenant. Oui. Alors, le but premier de l'Académie française était d'unifier la manière dont la langue française était parlée dans le pays, de manière à ce que tous les Français puissent se comprendre. Étant donné qu'au moment où l'Académie française a été créée, il y avait encore beaucoup de dialectes qui étaient parlés en France, et donc ils ont joué un peu un rôle de codification de la langue française, ouais. Et ils ont notamment créé un dictionnaire. Et aujourd'hui, ce qu'ils font, il y a toujours une évolution de la langue, donc ils se penchent sur la façon d'incorporer des nouveaux mots dans la langue. C'est pour ça qu'il y a un nouveau dictionnaire qui est élaboré en permanence par les académiciens, et tous les 20, 30, 40 ans, ils en élaborent un nouveau afin de suivre l'évolution de la langue. Parce que les académiciens ont un peu peur de l'importance de l'expansion de l'anglais, et notamment son arrivée en force dans le langage courant des Français. Donc ils se sont penchés sur la question, ils ont décidé de changer des mots que l'on utilisait qui étaient anglais et de trouver un équivalent français. Par exemple, le Walkman. Ils ont trouvé un équivalent qui s'appelle baladeur. Bon, les Français disent toujours Walkman, mais en tout cas, il y a un équivalent purement français, baladeur. Au tennis, on a le tie-break, qui est en fait maintenant jeu décisif. Aussi, software, c'est devenu logiciel. Voilà comment ils veillent à la protection de la langue française, mais il y a également ce fameux second rôle de mécénat. Donc, l'Académie française attribue également des prix, par exemple un prix de philosophie, un prix de poésie, également un prix de la francophonie, pour récompenser les œuvres littéraires francophones. Et il y a de très nombreux auteurs, écrivains très célèbres qui ont fait partie de l'Académie française. Tout à fait, il y a vraiment des noms illustres qui ont siégé, comme Marguerite Yourcenar, Corneille, Marivaux, Ionesco, Pagnol. Vraiment des grands noms. Et alors, tous ces académiciens, on les appelle les immortels. Et pourquoi, Amaury ? Pourquoi sont-ils appelés les immortels ? Car le cardinal de Richelieu, quand il a fondé l'Académie française, il lui a donné un sceau également, qui est utilisé au bas des documents qui proviennent de l'Académie française, et sur ce sceau, il est marqué « à l'immortalité ». Et c'est donc de là que vient leur nom immortel, bien que l'expression « à l'immortalité » fasse référence à l'immortalité de la langue française et non évidemment à l'immortalité des académiciens, le surnom d'immortel a été octroyé aux académiciens, aux personnes qui siègent. Donc on espère que maintenant vous en savez plus sur l'Académie française et aussi que votre français s'est énormément amélioré rien qu'en écoutant cette leçon. Oui. J'en suis persuadée. Et qui sait, peut-être que vous aussi, un jour, vous écrirez en français, vous écrirez des romans et vous ferez partie de l'Académie française. Et vous siégerez à côté de Monsieur Petitgrain. S'il continue comme ça, s'il continue d'être un aussi bon étudiant, il y sera peut-être également. On vous dit à très bientôt pour la prochaine leçon avancée. À bientôt tout le monde. Merci à tous. Au revoir.